إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cinquième pilier de l'islam aujourd'hui dans l'explication du cheikh au sujet de la réalité de l'islam ou qu'est-ce que l'islam et dans le livre de Durus min al-Qur'an al-Karim. Et donc le cheikh dit ar-rukn al-khamis al-hajj, le cinquième pilier c'est le hajj. Wa ta'akhkhara farduhu ila as-sanati at-tasi'ati min al-hijra. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لوجود المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس وأرسل بعده علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس بصدر سورة براءة يعني سورة التوبة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. Donc le cheikh il commence à expliquer que le hajj il a été yani, contrairement aux autres piliers il a été légiféré uniquement très tard yani, après le hijra, c'est-à-dire dans la 9e année du hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait le hajj dans la 9e année à cause de la présence des mouchriquins qui faisaient le tawaf autour de la Kaaba nue. Ils enlevaient leurs vêtements puis ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour faire le hajj avec les gens. Et ensuite, il a envoyé Ali ibn Abi Talib pour annoncer à tout le monde, yani, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé dans le début de Surat Bara'a, c'est-à-dire Surat Tawbah. C'est au début de ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que, après cette année-là, il n'y a plus de mushrikins qui vont pouvoir les mouchriquins n'auront plus le droit, ils ne pourront plus venir à faire le hajj. Hein? Donc, yani, si vous regardez dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ça clairement. Il dit, Bara'atun min Allahi wa Rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. Donc, c'était le début de cette sourate qui dit en fait une bara'a, un désaveu, un désavouement de la part d'Allah et de son messager à l'égard des mouchriquins, avec ceux, ceux avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah subhanahu wa ta'ala à l'incapacité ou à l'impuissance et qu'Allah couvre les mécréants d'ignominie et d'humiliation. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, Al-Hajj al-Akbar, qu'Allah et son messager désavouent les mouchriquins, les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah subhanahu wa ta'ala à l'incapacité. Et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Donc, il y a ces versets-là qui expliquaient que Ali ibn Abi Talib devait faire l'annonce à tous les mouchriquins que c'était fini à partir de cette année-là. Ils ne pourront plus continuer à faire le Hajj avec les musulmans. Et ça, c'est parce que les musulmans à Médine étaient devenus forts, étaient devenus plus nombreux et plus puissants. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était capable maintenant de commander et de faire ordonner des interdictions pour dire aux mouchriquins qu'ils ne pouvaient plus venir faire le tawaf nu et faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Après, le cheikh il dit « فلما تطهر البيت من المشركين والعراة حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع التي لم يمكث بعدها في الدنيا إلا أقل من 3 أشهر حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. Donc le cheikh il dit que lorsque la maison, le Bayt, c'est-à-dire la Kaaba, a été purifiée des mouchriquins et des gens qui font le tawaf nu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hajj dans la 10e année, le Hajj al-Wada, le Hajj d'adieu. Et après le Hajj, il est seulement resté 3 mois. Après le Hajj, il a seulement vécu 3 mois dans cette dunya. Puis il a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Rafiq al-A'la. Et le Cheikh il dit que la paix et le salut d'Allah soit sur lui et que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour sa Ummah de la meilleure récompense que le prophète peut avoir pour sa Ummah. Après le Cheikh il dit وأنزل الله تعالى في شأن الحج قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le verset au sujet du Hajj qui dit que les hommes doivent faire pour Allah subhanahu wa ta'ala le Hajj vers la maison, c'est-à-dire vers la Kaaba, s'ils sont capables de le faire, s'ils en ont les moyens. Et le cheikh dit هذا يقتضي الوجوب وأن الحج حق لله سبحانه وتعالى على المستطيع من الناس. Donc le cheikh il dit que ça prouve l'obligation, parce que c'est un verset qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala commande le hajj, donc c'est une obligation et le hajj est un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui en a la capacité parmi les gens. Le cheikh il dit par la suite وقوله استطاع إليه سبيلا أي الزاد والمركوب الذي يوصله ويبلغه إلى مكة أما الذي لا يستطيع لكونه فقيرا ليس عنده زاد أو عنده زاد ولكن ليس عنده ما يركبه من وسائل النقل ويبلغه فهذا معذور في المبادرة لأداء الحج ويبقى في ذمته إلى أن يستطيع. Donc le cheikh il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pour celui qui en a les moyens ou la capacité, le cheikh il explique que ça c'est-à-dire qu'il a suffisamment, il a qu'est-ce qu'il faut, comme par exemple Azad, hein, il a les, l'argent qu'il faut et les biens qu'il faut, la nourriture et tout, et il a également la monture, hein, qui peut l'amener à Mecca. Yani, à l'époque, c'était bien entendu les chameaux, les chevaux ou d'autres montures que les gens utilisaient. Aujourd'hui, bien entendu, bon, il y a les automobiles et il y a les avions. Il y a les avions également. Donc, ça fait partie des moyens de transport qu'on utilise. Et donc, comme le cheikh explique, il dit celui qui n'est pas capable parce qu'il est pauvre, c'est-à-dire il n'a pas suffisamment d'argent ou de biens pour lui permettre de faire le hajj, hein, pour acheter le billet d'avion et tout ça, et pour pouvoir se nourrir et rester là-bas dans un endroit pour rester comme un hôtel ou des choses comme ça, et bien dans ce cas-là, yani, c'est pas obligatoire pour lui, il est excusé. Hein, il est excusé. Et le cheikh, il dit que aussi, il est excusé, c'est-à-dire c'est plus obligatoire pour lui, mais aussitôt qu'il en aura les moyens, il pourra y aller. Hein, il pourra y aller. Et ça reste donc une obligation pour lui jusqu'à ce qu'il en ait la capacité. Donc peut-être qu'il a l'argent, mais il n'a pas les moyens de transport, donc dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour lui. Non. Après le cheikh dit وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَسْتَطِعْ بَدَنِيًا ويرجى شفاؤه فإنه أيضا ينتظر. En ce qui concerne le malade, celui qui est malade mais qui espère guérir, et bien dans son cas lui, il doit attendre jusqu'à ce qu'il guérisse, pendant le temps qu'il est malade, puisqu'il peut pas y aller puisqu'il est malade, et bien c'est pas obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il soit guéri. Lorsqu'il sera guéri, Inch'Allah, il part. أما إذا كان مرضه مزمنا لا يستطيع ولا يستطيع أو كان كبيرا هرما لا يستطيع السفر للحج فهذا يوكل من يحج عنه. Donc le cheikh il dit que celui qui est malade, ou qui est c'est-à-dire qui est malade, qui peut pas, qui peut jamais guérir, il n'est pas capable d'y aller, ou une personne qui est très très vieille, une personne très âgée qui n'est pas capable de voyager pour aller faire le hajj, et bien dans le cas d'une personne comme ça, et bien elle peut envoyer quelqu'un à sa place pour faire le hajj, elle envoie quelqu'un faire le hajj à sa place. Un autre exemple de ça, c'est souvent ça arrive, le cheikh il l'a pas mentionné, mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est des femmes qui n'ont pas de mahram et qui veulent aller faire le hajj, et donc c'est pas permis pour elles de partir, et dans leur cas à elles, c'est pas obligatoire tant qu'elles n'ont pas de mahram, ok. L'obligation c'est uniquement pour celui qui est capable et qui a les moyens, qui a les capacités. Si la personne n'a pas, une femme n'a pas de mahram, elle n'a pas le droit de voyager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, « La tusafiru al-mar'a illa ma'azi mahram. » La femme ne doit pas voyager excepté avec un mahram. Donc, si elle voyage pour le hajj et qu'elle n'a pas de mahram, elle fait un péché. Donc, elle doit attendre qu'il y ait un mahram pour qu'elle puisse y aller. Après le cheikh il dit وهذا يوكل من يحج عنه لأن الحج تدخله النيابة عن العاجز الذي لا يستطيع لمرض مزمن أو لكبر. C'est-à-dire dans le hajj on peut, comme la personne qui est malade ou qui peut pas y aller parce qu'il est trop âgé, la personne qui est vraiment âgée, qui peut pas supporter le voyage ou qui est malade, et bien dans le cas d'une personne comme ça, et bien elle peut envoyer quelqu'un à sa place qui va faire le hajj comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et le cheikh il dit أما الذي لا يستطيع لعدم وجود المال فهذا لا يجب عليه الحج. En ce qui concerne celui qui n'est pas capable parce qu'il n'a pas assez d'argent, mais lui c'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. أما الذي يستطيع ماديا ولا يستطيع بدنيا فهذا إذا كان يرجى زوال المانع فإنه ينتظر. وإن كان لا يرجى زوال المانع فإنه يوكل. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la personne qui a le moyen, les moyens financiers, hein, les moyens économiques, il est capable, mais physiquement il n'est pas capable. Donc celui-là, s'il croit ou s'il espère que sa maladie ou la chose qui l'empêche physiquement va s'en aller, il va pas rester toujours incapable, mais dans son cas il attend jusqu'à ce qu'il soit guéri. Mais par contre, s'il n'espère pas guérir ou s'il n'espère pas que la chose qui l'empêche de partir ou qui l'empêche physiquement d'être capable de le faire s'en aille, eh bien dans le cas de cette personne-là, eh bien elle envoie quelqu'un faire le hajj à sa place. Et yani, c'est-à-dire il part faire le hajj pour cette personne-là. Le cheikh il mentionne ensuite, il dit: ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو هرم لا يستطيع الثبات على الراحلة أفأحج عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج عنه. متفق عليه من حديث فضيل في قصة الخثعمية. Donc le cheikh il dit que lorsque une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: mon père, yani, c'est-à-dire c'est l'obligation du hajj est sur lui, et il doit donc faire le hajj, mais il est vieux et il n'est pas capable de rester sur une monture, il n'est pas capable de supporter. Donc est-ce que je peux faire le hajj pour lui à sa place? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme: fais le hajj pour ton père. D'accord? Donc ça nous montre que c'est permis dans l'islam pour faire le hajj pour une autre personne, si cette personne-là n'est pas capable, hein, donc dans ce cas-là c'est correct. Et le cheikh il dit: ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد في الأغلب وفيه مشقة وأخطار جعله الله في العمر مرة واحدة تيسيرا على الناس وما زاد فهو تطوع. Le cheikh il dit: en ce qui concerne le hajj, eh ben, étant donné que les gens en général ils viennent de très loin et que c'est très difficile et qu'il y a beaucoup de dangers, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement ordonné ou commandé de faire le hajj une fois dans la vie pour faciliter les choses pour les gens. Et si une personne le fait plus qu'une fois, si une personne augmente, c'est-à-dire elle fait plus que le hajj, elle fait le hajj plus qu'une seule fois, eh bien dans son cas c'est comme une sorte de surplus, un acte supplémentaire. Et bien entendu il est récompensé pour ça. أما الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليل خمس مرات وهذا يدل على عظمتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى. En ce qui concerne la salat, eh bien elle se répète cinq fois, dans le jour et la nuit, et ça montre également sa grandeur et son importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. والزكاة تجب مرة عند تمام السنة تمام الحول. Donc en ce qui concerne la zakat, elle est obligatoire une fois dans l'année, lorsque une année complète a été une année a été complétée, et bien la zakat est obligatoire. Et وكذلك الصيام الواجب فيه صيام شهر من 12 شهرا من السنة. Donc le cheikh dit même la même chose pour le siyam, pour le jeûne, hein, et nous bientôt ça va être inshallah le mois de Ramadan qui s'en vient là la semaine prochaine inshallah. Donc il dit que c'est juste un mois sur 12, hein, dans l'année qui est obligatoire. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. Et ça fait partie des exemples de facilité que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans la religion. ثم ان هذه الاركان منها ما هو بدني وتدخله النيابة كالصلاة والصيام ومنها ما هو مالي كالزكاة. نعم. Donc منها ما هو بدني لا تدخله النيابة. Donc il y a parmi les piliers de l'islam, certains qui sont physiques, et que yani, on peut pas envoyer quelqu'un le faire ou faire quelqu'un demander à quelqu'un de le faire à notre place, comme par exemple la salat ou le jeûne. Donc ça, c'est des adorations physiques que quelqu'un ne peut pas faire à notre place, c'est nous-mêmes, on doit le faire chaque personne individuellement. Et minha ma huwa mali, comme la zakat, il y en a un pilier, comme par exemple le pilier de la zakat, qui est un pilier ou une adoration qui est qui a rapport avec les biens, nos biens, c'est économique. ومنها ما هو مركب من الأمرين بدني ومالي وهو الحج لأن الحج يتكون من الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. Et il y en a d'autres, il y a un autre pilier qui réunit les deux, c'est-à-dire qui réunit le corps et l'économie, yani l'adoration qui est avec le corps et avec les moyens économiques également, c'est-à-dire le hajj. Parce que dans le hajj, il faut avoir la capacité économique, la capacité financière et la capacité physique également. Et le cheikh dit ensuite, فهذه أركان الإسلام كما جاءت في القرآن الكريم. Voilà les piliers de l'islam comme ils sont venus dans le Coran al-Karim. وقد بينت السنة ما أجمله القرآن الكريم من هذه الأركان. Donc il dit le cheikh maintenant pour clarifier l'importance de la sunna par rapport à l'islam ou à la compréhension des règles de l'islam. Il dit que la sunna a clarifié, a détaillé qu'est-ce que le Coran a mentionné de façon générale de ces cinq piliers-là. Ça nous montre en même temps l'obligation de respecter et de suivre la sunna et de croire en la sunna. Quelqu'un qui dirait par exemple, moi je prends uniquement du Coran et je prends pas de la sunna, et bien lui bien entendu, selon ijma de tous les ulama, et bien c'est un kafir. Il peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre les règles de l'islam sans suivre la sunna, c'est impossible, et on va voir pourquoi tout de suite inshallah. Le cheikh il dit, فالقرآن ذكر الصلاة وبين أوقاتها من غير تفصيل. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Le Coran il a mentionné la salat, il a expliqué et mentionné les temps dans lesquels on doit faire la salat sans spécification, sans détailler. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la prière est certes pour les croyants en des temps spécifiques, ça a été prescrit dans des moments particuliers de la journée. Et ça c'est dans Surat An-Nisa, le verset 103. Donc on ne peut pas prier n'importe quel temps, il y a des temps spécifiques pour chaque salat. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il dit fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyan wa hina tuzhirun fa hadha bayan mujmal lil awqat. Donc le cheikh il dit, et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque au moment le soir et le matin, hina tumsun fil masa wa hina tusbihun, et le matin, et à lui la louange dans les cieux et sur la terre, wa ashiyan dans l'après-midi, wa hina tuzhirun le moment de zuhr, et c'est le milieu du jour. Donc le cheikh il dit que ça c'est une explication générale des temps de la prière, mais bien entendu bon, la sunna est venue clarifier ça en plus de détails. ثم جاءت السنة فبينت أوقات الصلوات الخمس على التفصيل. Donc la sunna est venue expliquer en détail les temps des cinq prières dans la journée. وبينت أن صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق وأن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس عن وسط السماء وأن صلاة العصر إذا بلغ ظل الشيء مثله وأن صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس وأن صلاة العشاء يبدأ وقته وقتها بمغيب الشفق الأحمر. Donc, Cheikh, il dit que dans la Sunna, on a la clarification que Salat al-Fajr commence lors de à l'aube, al-Fajr al-Sadiq. Naam. Donc, al-Fajr al-Sadiq, parce qu'il y a deux Fajr, al-Fajr al-Kadhib ou al-Fajr al-Sadiq, si je ne me trompe pas. Et il y en a un que c'est avant le Fajr où le temps de la prière commence, c'est juste une lueur, une petite lueur à l'horizon. Puis après, al-Fajr al-Sadiq vient, là ça devient vraiment clair, on voit la ligne blanche et la délimitation, donc ça c'est le vrai Fajr. وأن صلاة الظهر يبدأ يعني la prière de Zohr, il commence lorsque le soleil atteint son zénith dans le ciel, c'est-à-dire quand il est au plus haut point dans le ciel. Et après, la salat al-Asr, elle commence lorsque l'ombre d'une personne est équivalente à sa hauteur. C'est-à-dire quand ton ombre est la même longueur que ta hauteur, ta grandeur. Donc, c'est là que la salat al-Asr commence. وأن صلاة المغرب elle commence lorsque yani, le soleil se couche à l'horizon, c'est-à-dire lorsque le disque du soleil dépasse la limite de l'horizon et qu'on le voit plus du tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est le maghrib qui commence. Et salat al-isha, le cheikh il dit le salat al-isha il commence lorsque l'horizon, la rougeur ou les lueurs rouges qui sont à l'horizon yani disparaissent, hein? Donc c'est là que le temps de l'Isha commence. Et ça a été clarifié par la Sunna, c'est pas écrit spécifiquement dans le Coran. Donc si quelqu'un dirait par exemple moi je veux pas suivre la Sunna, eh bien il pourrait même pas savoir précisément les temps de la Salah. Après, le Cheikh dit, فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَامَاتِ الْمَوَاقِيتِ وَاضِحَةً يَعْرِفُهَا كُلُّ أَحَدٍ الْمُتَعَلِّمُ وَالْعَامِ وَالْحَضَرِ وَالْبَدَوِي. Donc, le Cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les signes pour les temps des prières soient très clairs et que tout le monde soit capable de les connaître. Qu'il soit éduqué ou une personne, ordinaire qui n'est pas éduquée. Qu'il soit une personne de la ville ou une personne de la campagne ou bien un bédouin, hein? Tout le monde est capable de les comprendre parce qu'ils sont simples. Après, le cheikh il dit وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَامَتَهُ وَاضِحَةً وَهُوَ الْحِلَالُ. Hein, le cheikh il dit que de même que le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son signe soit clair, c'est-à-dire c'est le clair de lune, le croissant qui naît, hein, le premier croissant de lune. En arabe, c'est al-hilal. Donc, le cheikh dit, qu'Allah ta'ala, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Donc, le cheikh, il mentionne ce verset qui est dans Surat al-Baqarah, le verset 179, qui dit, et il te demande au sujet des nouvelles lunes. C'est-à-dire les nouvelles lunes, les croissants, les croissants naissants qui indiquent le début de chaque mois. Donc il te demande à propos des ahillah, le pluriel de hilal. Qul dit, c'est pour compter le temps et en même temps pour montrer le début du hajj. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه من حديث ابي هريره. Donc le cheikh il mentionne un autre hadith qui montre également que le hilal est un signe pour le jeûne du ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez lorsque vous le voyez et brisez ou cessez de jeûner lorsque vous le voyez, c'est-à-dire d'un croissant de lune à l'autre. Hein? Et ça réfute les gens qui veulent se baser sur les calculs pour essayer de déterminer le début et la fin du jeûne du Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit que nous sommes une umma ummiya, c'est-à-dire on est une umma illettrée. La nahsubu, hein, on ne compte pas et on ne calcule pas et on n'écrit pas. La nahsubu wa la naktubu. Et ash-shahru hakada wa hakada wa hakada. Il a dit le mois c'est, en montrant ses 10 doigts, il a dit c'est 10, 10, 10. C'est-à-dire c'est simple. Ou bien 10, 10, 9. C'est-à-dire soit que c'est 29 ou 30. Et ça c'est dans le but de simplifier et faciliter la compréhension de l'islam pour nous. Hein? Pas besoin de commencer à faire toutes sortes de calculs, toutes sortes de choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fa in ghumma alaykum, hein? Si par exemple il y a des nuages le jour, ce jour-là, alors complétez 30. Hein, complétez le mois de Sha'ban avec 30 et puis vous commencez votre jeûne. Donc c'est très très très simple, d'accord. Mais bien entendu, bon, il y a toujours des problèmes avec cette question, mais qu'Allah facilite les choses pour nous. Après le cheikh il dit wa hakadha dinu l'islam wa lillahi alhamd dinu l'yusr wa samaha wa suhula ليس فيه آثار ولا أغلال وإنما هو دين ميسر. Comme je disais, le cheikh il dit voici la religion de l'islam, elle est simple, walhamdulillah. C'est une religion qui est une religion de facilité, une religion de yani, miséricorde et de yani. Donc il n'y a rien de difficile dans cette religion, il n'y a pas de carcan, il n'y a pas de difficulté, yani, tout est simple et clair. Alhamdulillah. Donc ça c'est des exemples que le chef nous donne. Et après il dit وَكَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَمْ يَذْكُرْ عَدَدَ الرَّكْعَاتِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُبَيِّنْ أَوْقَاتَهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ أَعْدَادَ الرَّكْعَاتِ والنبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله أن صلاة الفجر ركعتان وأن صلاة الظهر أربع ركعات وأن صلاة العصر أربع ركعات وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات وأن صلاة العشاء أربع ركعات وهذا للمقيم أما المسافر فيقصر الرباعية إلى ركعتين وهكذا بينت السنة ما جاء في القرآن الكريم من أمور الصلاة. Donc, yani, vous comprenez que le chef est en train d'expliquer que dans le Coran, il n'y a pas de mention du nombre de rakat qu'on doit faire dans les salawat qu'on doit faire 5 fois par jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous a uniquement ordonné d'une façon indéfinie d'établir la salat. Et il ne nous a pas expliqué les temps en détail, et il ne nous a pas expliqué non plus le nombre de rakat en détail. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son exemple, qui nous a montré que Fajr c'est 2 rakat, Zohr 4, Asr 4, Maghrib 3, Isha 4, et ça c'est pour la personne qui est résidente, c'est-à-dire la personne qui est chez elle, c'est-à-dire qui n'est pas voyageur. En ce qui concerne le voyageur, mais toutes les prières qu'on fait qui sont 4 à 4, on les remplace par 2. Au lieu de faire 4, on fait 2 en voyage. Et ça veut dire que Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Isha, ces 3 prières-là, en voyage, on les fait 2 au lieu de 4. Comme c'est expliqué dans la Sunna pour la Salat. Donc, ça, c'est impossible pour une personne qui prétend qu'il veut juste suivre le Coran de dire que il va pas yani suivre la sunna. S'il dit qu'il va pas suivre la sunna, il peut pas connaître ces règles de la salat parce qu'elles sont toutes venues par la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, et aucun d'entre nous aujourd'hui n'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, excepté que les sahaba, ils étaient là et ils l'ont vu. Et ils nous ont rapporté dans les hadiths comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat, et c'est obligatoire pour nous de suivre son exemple dans ces questions-là. Et je vous réfère au livre du Cheikh Al-Albani, Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, le livre qui s'appelle Sifat Salat al-Nabi, que vous connaissez sûrement tous, et qui est un des meilleurs livres à ce sujet-là. Naam. Donc ensuite le cheikh il dit, وَكَذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أَمَرَ بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةِ إِجْمَالًا وَلَمْ يُبَيِّنَ الْأَمْوَالَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجب في أربعة أنواع: بهيمة الأنعام وعروض التجارة والحبوب والثمار والنقدان الذهب والفضة، وهذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de donner la zakat d'une façon générale, c'est-à-dire indéfinie, sans spécifier les détails dans le Coran. Et yani, il n'a pas non plus spécifié de quel bien, dans quel bien on doit donner la zakat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, il a expliqué dans quelle catégorie on doit donner nos biens, et c'est quatre catégories de biens. Bahimatul an'am, les animaux domestiques. Il y a une zakat pour les animaux domestiques, c'est-à-dire les vaches, les chameaux, les chèvres, les moutons, hein, les animaux domestiques, de la, comme on appelle des animaux de ferme. Et il y a urud tijara, hein, la zakat sur les commerces et sur les commerces et des choses de ce genre. Et wal hubub wal thimar, hein, les graines, sur les grains et les fruits, hein, il y a une zakat là-dessus, comme les dattes, hein, et les grains comme les céréales et des trucs comme ça. Wa an-naqdan, c'est-à-dire les deux monnaies, c'est-à-dire al-dhahab, l'or et l'argent, al-fidda. Et ça fait partie des catégories de biens sous lesquelles il faut donner une zakat obligatoirement. Mais ça, c'est pas expliqué dans le Coran. Donc quelqu'un qui connaît pas et qui se base juste sur la, soi-disant sur le Coran, sans se baser sur la Sunna, eh ben, il va pas savoir les détails comment payer la zakat. Après, le cheikh il dit, ثم بين المقدار الواجب وأنه ربع العشر من الذهب والفضة وبين النصاب وأنه من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا وبين النصاب من الغنم ومن البقر ومن الإبل. Donc le cheikh il dit que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué la quantité obligatoire dans nos biens, quelle valeur ou quelle quantité qu'on doit donner obligatoirement dans les biens qu'on possède, et il a dit que c'est le quart du dixième de un quart de dixième, rub'ul ushri min al-dhahab wal-fidda, si je ne me trompe pas, c'est ça, de l'or et de l'argent. Et il a expliqué al-nisab, et al-nisab c'est la limite minimum que la valeur de l'argent que tu as accumulé durant un an doit atteindre pour être éligible, disons, à payer la zakat sur ce montant-là. Hein? Et comme c'est expliqué, les ulama ils disent, bon, si tu as économisé un montant d'argent, un surplus, c'est-à-dire ça fait pas partie de tes biens nécessaires ou obligatoires que tu as besoin pour tes besoins, tes nécessités. Bon, cet argent que tu as en surplus, qui est économisé, eh ben, si tu l'as gardé plus qu'un an, sans y toucher, eh ben, et que ce montant-là a atteint un montant qui dépasse la valeur du nisab, comme il dit par exemple ici, un quart de dixième pour l'or et l'argent, eh ben, non. Donc, dans ce cas-là, c'est obligatoire lorsque, non, pardon, je m'excuse. Il dit que, en fait c'est 2.5 pour l'argent, on le sait, puis pour la monnaie comme on utilise, après il dit que pour l'or, le nisab c'est 20 mithqalan. Bon, la valeur de 20 mithqalan en poids qu'on utilise ou en... Le système métrique comme on utilise aujourd'hui, je connais pas l'équivalence, sauf que yani juste pour vous dire que c'est 20 misqal, puis pour l'argent c'est 140 misqal. Mais dans le hadith que le cheikh mentionne il dit un hadith Abi Saïd laysa fi ma duna khamsa awaqin sadaqa, qu'est-ce qui est en bas de 5 ouqiyah, il n'y a pas de sadaqa. Mais je connais pas non plus l'équivalence de ça, c'est dommage, mais inchallah lorsque je vais essayer de la trouver dans un autre livre, et puis si je la trouve je vais vous l'envoyer inchallah. Après le cheikh il dit que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le nisab, donc lorsque ton argent a atteint ce nisab, cette limite là, c'est là que tu dois payer la zakat. Et il y a un nisab comme on comprend maintenant, il y a un nisab pour l'argent et pour l'or, il y a un nisab pour les animaux, c'est-à-dire si t'as, il faut que tu aies atteint une certaine quantité de moutons ou de vaches ou de chèvres, en bas de cette quantité là t'as pas besoin de donner zakat sur tes animaux domestiques. Donc c'est ça qui est expliqué dans la sunna, et vous trouvez ça dans les hadiths rapportés par Al-Bukhari et d'autres, yani d'autres rapporteurs de hadiths. Dans le livre de la zakat vous voyez les détails dans les hadiths qui parlent de la zakat, et tout ça c'est dans la sunna. Le cheikh il dit amma ahlu zakat fa inna Allah جل وعلا لم يكل بيانهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تولاه بنفسه، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc le cheikh il dit que les sadaqat de la zakat c'est pour les pauvres, hein, et les indigents, les gens qui travaillent pour elle, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour ramasser la zakat, wal mu'allafati qulubuhum, s'il y a des kuffars par exemple qui sont prêts, qui sont proches de l'islam, c'est-à-dire ils ont un penchant vers l'islam et ils veulent se convertir, donc on peut utiliser de la zakat pour les inciter à se convertir, ou bien si des gens sont nouveaux à l'islam pour les aider lorsqu'ils se convertissent, yani au début pour qu'ils se rapprochent plus de l'islam, au fur et à mesure s'il y a un esclave et qu'il veut il veut acheter sa liberté, on peut l'aider yani avec l'argent de la zakat, wal gharimin, les gens qui sont grandement endettés, on peut leur donner de la zakat pour les aider à payer de ces dettes-là. Wa fi sabilillah, et les gens qui sont dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire les mujahidin, ceux qui font le jihad. Et ibn fi sabilillah également, on peut compter tullab al-ilm, les gens qui partent chercher l'ilm dans les pays musulmans, hein, qui partent au Yémen aujourd'hui, ou bien en Arabie Saoudite, ou dans d'autres pays s'il y a des ulama, ils vont étudier là-bas, et bien c'est bien de leur donner de la zakat pour les aider à payer les livres, pour les aider à yani, payer leurs nécessités et les besoins qu'ils ont, hein, et ça c'est bon. Et en fait yani, qu'est-ce qui serait bien aussi, c'est de trouver que dans chaque pays par exemple d'essayer d'aider les frères qui veulent partir étudier, chercher l'ilm et qui ont une capacité yani, d'apprentissage, et qu'ils aiment le ilm et qu'ils veulent partir et qu'ils peuvent pas, par exemple ils n'ont pas la capacité d'être acceptés dans des universités comme Al-Madina ou Mecca, et qu'ils veulent vraiment étudier, alors de les aider pour aller étudier par exemple au Yémen ou dans d'autres places s'il y a d'autres endroits où ils peuvent aller étudier l'islam avec les ulama salafiyin, et ben dans ce cas là yani c'est bon de faire de ramasser de l'argent pour aider ces frères là qui veulent partir, hein, et de faire de leur envoyer régulièrement un peu d'argent pour les aider à payer leur nécessité et tout ça. Ça c'est quelque chose, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un dit par exemple moi toi tu veux chercher le ilm, ben moi voici je te dis que chaque par exemple chaque mois je vais te donner par exemple 200 dollars ou 200 euros, je t'envoie ça chaque mois et c'est moi qui s'occupe de toi yani. Et ben la personne qui fait ça, elle a fait une grande ajr yani, elle a une grande récompense. C'est ça, c'est juste un exemple que je donne, mais yani c'est des choses qu'on doit faire parce que c'est bien entendu que on a besoin de plus de tulab ilm, on a besoin de plus de ulama et des gens qui vont acquérir yani une science vraiment bien solide et bien ancrée, hein. Donc il va rester là-bas inchallah 5, 6 ans ou plus et puis revenir inchallah pour faire le da'wah, et il reste uniquement pour le da'wah, hein, avec ilm. Donc dans ce cas-là, alhamdoulillah, yani ça c'est une grande chose. Après il dit, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, Ibn al-Sabil, c'est-à-dire les voyageurs, les gens qui sont sur le chemin, qui ont besoin d'aide, eh bien on peut leur donner de la zakat. Faridatan min Allah, hein, ça c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, Allah subhanahu wa ta'ala est le savant, le savant et le sage. Donc les gens de la zakat, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui les a spécifiés, qui est-ce qui mérite la zakat. Après le cheikh il mentionne, il dit وكذلك الصيام يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'il a mentionné également dans le Coran, yani comment savoir quand jeûner dans la journée et quand cesser de jeûner dans la journée. Dans le verset dans sourate al-Baqara 187, hein, il dit et mangez et buvez jusqu'à ce que la ligne blanche de la ligne noire de l'aube soit distincte, et après complétez le jeûne jusqu'à la nuit, jusqu'au coucher de soleil. Il dit le cheikh hadafihi ijmal, il dit ça c'est un peu général, yani il y a un peu de généralisation, c'est-à-dire c'est pas spécifique, c'est pas clarifié en détail. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam bayyana al-murad min al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad annahu sawad al-layl wa bayad an-nahar. Donc le cheikh il dit que yani la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans sa sunna la signification de la ligne blanche et la ligne noire, hein, et il a expliqué que c'est la noirceur de la nuit et la blancheur du jour. Wa فإذا خرج النهار وهو البياض المعترض في الأفق فإنه يمسك الصائم. Donc il dit que lorsque le jour apparaît, c'est-à-dire une blancheur qui apparaît sur la ligne de l'horizon, alors dans ce cas-là, il doit commencer à faire son jeûne, c'est-à-dire il se retient de boire, de manger et d'avoir des rapports sexuels. Le cheikh il dit ensuite ولما سمع بعض الصحابة قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أخذ خطين أحدهما أسود والآخر أبيض ووضعهما عند رأسه وصار ينظر فيهما فلم يتبين له إلا بعدما اطلح النهار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود بياض النهار وسواد الليل وليس المراد الخطوط المعهودة المعروفة. Donc ça c'est une histoire qui nous fait voir, en fait c'est une histoire qui est arrivée à un des sahaba, Adi ibn Abi Hatim, Adi ibn Hatim, hein, c'est le sahabi qui était converti à l'islam, il était chrétien, il est devenu musulman. Et lui, lorsqu'il a entendu le verset, hatta yatabayyana lakum, jusqu'à ce que ce soit distingué pour vous la ligne blanche de la ligne noire, eh ben yani comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, lui qu'est-ce qu'il a fait, il a pris deux cordes, une corde blanche et une corde noire, et il les a mis à sa tête, yani sur son oreiller, et il attendait pour être capable de les voir distinctement. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il n'était pas capable de les distinguer, excepté lorsque le jour est apparu. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué, il lui a dit, mais non, c'est pas ça que l'ayah signifie. En réalité, ça signifie que yani, c'est la blancheur du jour et la noirceur de la nuit. Voilà la signification. Et ça veut pas dire tu prends une corde, hein, comme on connaît al-khayt, hein, al-khuyut en arabe. Tu prends pas une corde là pour faire, ou une ficelle, puis tu commences à essayer de distinguer ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cette chose-là. فبين هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي انتهى وقت الصيام حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب فإنه انتهى وقت صيامه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est muttafaq alayh, rapporté selon Omar et Ibn Omar, yani il dit, lorsque la nuit arrive par ici, c'est-à-dire de l'est, et que le jour part par là, c'est-à-dire de l'ouest, et que le soleil s'est couché, alors le jeûneur a brisé son jeûne, c'est-à-dire que le temps du jeûne est terminé. Même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas bu, eh ben le temps du jeûne est terminé. فَإِذَا بَقِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ فَهَذَا لَيْسَ بِصِيَامٍ. C'est-à-dire si par exemple la personne continue à jeûner, c'est-à-dire continue à se retenir de manger ou de boire après que le soleil se soit couché, et il ne veut pas manger ou boire, ben il n'est pas jeûne, ça s'appelle pas un jeûne, c'est-à-dire c'est pas un jeûne dans ce cas-là, et il n'est pas récompensé s'il jeûne après le coucher du soleil. Le jeûne c'est uniquement durant le jour. Si tu jeûnes après le coucher de soleil, t'as pas de récompense. لأنه انتهى وقت العبادة, c'est-à-dire le temps de l'adoration se termine à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire après? Eh bien, ça va pas être considéré comme une adoration. Le cheikh dit وانتهى وقت الصيام, et le temps du jeûne est terminé. ولا يزال على ما شرعه الله إلا ما جاء في حق الوصال إلى السحر وهذا شيء آخر. Le cheikh il dit que on n'a pas le droit de rajouter de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. On n'a pas le droit de rajouter, excepté pour la personne qui fait le wissal jusqu'à l'aube. Il dit ça c'est une autre chose, parce que le wissal c'est interdit, c'est juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait le droit de le faire. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Saïd, le hadith qui parle du wissal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses sahaba de faire le wissal, c'est-à-dire de continuer son jeûne jusqu'à l'aube. Donc c'est pas pour nous. وكذلك القول في الحج جاء الأمر به في القرآن مجملا. La même chose pour le Hajj. L'ordre en ce qui concerne le Hajj est venu de façon générale. من وجوه عديدة, de plusieurs points de vue. كم مرة يجب في العمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة واحدة. Combien de fois c'est obligatoire dans la vie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est obligatoire une seule fois. Donc ça c'est pas spécifié dans le Coran. كيف تؤدى الحج؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال لهم خذوا عني مناسككم. Donc comment on doit faire le Hajj? le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié par son exemple. Hein? Il a fait le hajj avec ses compagnons et il a dit khudou anni manasikakum, c'est-à-dire prenez vos rites de moi. Hein? Vos rites du hajj, prenez-les de moi. Et ça, c'est rapporté dans un hadith selon Muslim. Donc fabayyana sallallahu alayhi wa sallam manasik al-hajj min tawafin wa sa'in wa wukufin bi arafa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué les rituels du hajj et il a expliqué le tawaf et le sa'i entre Safa et Marwa et le wukuf bi arafa, comment on doit se tenir sur Arafa. وبين متى بدأ الوقوف متى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي والله جل وعلا يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Et le cheikh dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué quand est-ce qu'on doit commencer le fait de rester sur Arafah. Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça termine, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. Non, c'est le verset 199 dans Sourah Baqarah. Ouais, ensuite déferler, ils ont traduit ça afidu, ils ont déferlé, ils ont traduit ça par déferler. Yani afidu, aller de la même avec les gens, yani, déferler comme les gens. Yani. لم يكن يبين وقته والرسول صلى الله عليه وسلم بينه. Ça dans le Coran, lorsque Allah dit ça, ثم أفيد من حيث أفاض الناس, yani, ça n'a pas été expliqué en détail par Allah سبحانه وتعالى dans le Coran, et c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui nous l'a expliqué. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, bien entendu, لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne parle pas selon ses désirs. Il ne fait que dire ce qu'Allah سبحانه وتعالى lui révélait. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit dans un hadith, ألا إني أطيت القرآن ومثله معه. Certes, on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec lui. Donc la révélation, c'est pas seulement le Coran. La révélation inclut le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Donc le Coran, la révélation, c'est pas uniquement le Coran. Et c'est pas seulement le Coran qui est préservé, comme certains croient que Allah subhanahu wa ta'ala a seulement préservé le Coran et que la Sunna il ne l'a pas préservé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes, nous avons préservé le dhikr et certes nous avons fait révéler le dhikr et certes nous allons le préserver. Et le dhikr, ça inclut le Coran et la Sunna, et non seulement la Sunna comme certains peuvent l'imaginer. Hein? Beaucoup de gens d'aujourd'hui, yani, ils doutent en la Sunna, et yani, donc parce qu'ils n'ont pas compris que ça fait partie de la révélation. Ensuite, le Cheikh il dit وَكَذَلِكَ الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Non. Le verset 198 dans Sourate al-Baqarah, encore une fois. Naam, 198. Naam. Puis, lorsque vous déferlez depuis Arafah, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala à al-Mash'ar al-Haram, c'est-à-dire Muzdalifah. Ok? Donc, yani, le cheikh il dit que ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit de, il a seulement expliqué qu'on doit déferler de Arafah vers Al-Mash'ar al-Haram, mais c'est pas clarifié en détail que c'est Muzdalifah et des choses comme ça. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué ça dans la sunna. Thumma yubayyinu lam yubayyin wa lam yubayyin tafsil dhalik, tafasil dhalik. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن نزل بمزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم بات عليه الصلاة والسلام ثم صلى الفجر بغلس مبكر مبكر ثم وقف يدعو حتى أسفر جدا ثم دفع إلى منى فبين كيف نذكر الله عند المشعر الحرام. Donc le cheikh il dit que يعني Allah n'a pas clarifié les détails de cette partie du Hajj, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué, lorsqu'il est descendu vers Muzdalifa, il a prié Al-Maghrib et Al-Isha ensemble et en les faisant raccourcis, c'est-à-dire en faisant l'Isha deux rak'at au lieu de faire une quatre, et ensuite il a dormi à cet endroit-là, et lorsqu'il a s'est levé pour le Fajr très tôt, et puis il s'est préparé et il est parti. Lorsque le ciel est devenu très jaune, il est parti vers Mina et il nous a montré donc comment mentionner Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer et se souvenir de lui à l'endroit qui est Al-Mash'ar al-Haram. Ensuite le cheikh il dit نعم. أنصت الشيخ إذ قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه. نعم فسيدا سورة البقرة verset 203 الله سبحانه وتعالى dit et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé, ensuite il n'y a pas de péché pour celui qui se comporte en piété à partir au bout de deux jours, c'est-à-dire celui qui veut partir après deux jours, il peut partir, et si celui qui veut rester un jour de plus, il peut rester un jour de plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Donc le cheikh il dit يعني أيام التشريق والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يفعل في أيام التشريق النزول بمنى والمبيت بها ورمي الجمار وبين صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ وكيف ينتهي وبكم ترمى الجمرات وأن ذلك بسبع حصيات فبين البيان الشافي. Donc le cheikh il dit que les jours qu'on appelle les jours de tashriq, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a expliqué quand on arrive à Mina, hein, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dormir là-bas et on part et on ramasse sept petits cailloux et on s'en va pour lapider lancer les pierres au Jamarat. Et donc ça a été clarifié dans la Sunna de façon très claire. Après le chef il dit wa li hadha يقول العلماء إن السنة المطهرة مفسرة للقرآن ومبينة له وهي وحي من الله جل وعلا كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Donc le cheikh dit c'est pour ça que les ulama disent que la sunna qui est purifiée explique le Coran, c'est un tafsir du Coran et elle clarifie également le Coran et c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dans surat al-Hashr le verset 8, ce que le messager vous donne prenez-le, mais ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Wa qala ta'ala, Allah il dit, et on a fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies pour les gens ce qui a été révélé pour eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas seulement l'ordre de leur transmettre le Coran, mais également de leur clarifier le Coran et de leur donner la compréhension de qu'est-ce qui était révélé pour eux. Ça c'est important de comprendre ce point-là. Et après le cheikh il dit wa qala ta'ala wa anzala Allahu alayka al-kitaba wa al-hikma. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate An-Nisa le verset 113 et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, al-kitab wa al-hikma. Wal-kitab huwa al-Qur'an wa al-hikma hiya as-sunnah al-mutahhara. Et le cheikh il dit que le Qur'an le livre c'est al-Qur'an et al-hikma c'est la sunna. وهي وهذه هي أركان الإسلام الخمسة كما جاءت في القرآن الكريم. فما بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الإسلام مقصورا عليها كما بينها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الإسلام مقصورا عليها بل هي أركان ودعائم وأركانه ودعائمه ومبانيه لكن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بفعله ففعله هو الإسلام وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتركه فاجتنابه وتركه هو الإسلام. Donc le cheikh il dit que voici les cinq piliers comme ils sont venus dans le Coran al-Karim et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le messager les a expliqués. Et l'islam ne se limite pas uniquement à ces cinq piliers-là, parce qu'il y a, même, il y a des gens aujourd'hui, subhanallah, ils croient, ils s'imaginent que l'islam c'est juste ces cinq piliers-là. Et quand tu leur parles par exemple de l'islam, ou par exemple tu leur parles du hijab, l'obligation de la femme de porter le hijab, ou bien pour un homme de se laisser sa barbe, ou des choses comme ça, ils disent, ya akhi, ça fait pas partie des cinq piliers de l'islam. C'est pas juste, l'islam c'est pas juste les cinq piliers. Les cinq piliers c'est la base, mais il y a beaucoup d'autres règles et beaucoup d'autres principes qui font également partie de l'islam et il faut garder l'islam en entier. Donc le cheikh il dit donc c'est les cinq piliers comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqué, c'est pas seulement ça qui est l'islam, mais c'est seulement les piliers et les bases de la construction ou d'un bâtiment, mais tout ce que Allah a ordonné de faire, ainsi que son messager, de le faire, ça fait partie de l'islam. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé d'abandonner, ou tout ce qu'il nous a interdit, ou tout ce qu'il nous a demandé de nous en écarter, de nous en écarter et de l'abandonner fait partie de l'islam. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة السلم هو الإسلام أي اعملوا بكل شرائعه ولا يقتصر على بعض شرائع الإسلام ويترك البعض. Le cheikh il mentionne un verset dans sourate al-Baqarah, le verset 208, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit oh vous qui ont cru, oh vous les croyants, entrez en entier dans l'islam. Entrez dans l'islam en entier. Yani, le cheikh dit que as-silm, c'est-à-dire l'islam. Et, appliquez ou agissez selon tous les principes et les règles de l'islam. Donc l'islam, ça ne se limite pas uniquement à certains rituels ou à certains principes. En disant qu'on peut en appliquer certains puis abandonner les autres. وقد هم قوم أن يأخذوا ببعض شرائع الإسلام ويتركوا البعض الآخر. فأنزل الله فيهم هذه الآية. Donc il y a des gens qui avaient pensé qu'ils allaient pouvoir prendre certaines parties de l'islam puis laisser tomber d'autres parties de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin. Oh, vous les croyants, entrez dans l'islam en entier et ne suivez pas les pas du shaytan, certes pour vous c'est un ennemi clair. Walakin hadha hasab al-maqdirah wa al-istita'ah. Et ça c'est selon bien entendu la capacité et le fait qu'on soit capable de le faire. Comme قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala il ne met pas sur une personne une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Il ne met pas sur une personne une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Donc c'est toujours selon ta capacité. Et au sujet de ce point-là, il y en a des gens qui veulent juste prendre une partie de l'islam, qu'est-ce qui leur fait plaisir ou qu'est-ce qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions, et puis qui abandonnent le reste. Et ça, c'est incorrect. Et Allah, il a menacé les gens qui ont fait ça. Il dit dans une ayah, « Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd ». Hein? Est-ce que vous, vous acceptez une partie du livre alors que vous rejetez l'autre? Alors ça c'est, yani, c'est grave. Et Allah dit, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui fait ça, ben, il aura dans, yani, dans la dunya, il va juste avoir un châtiment d'ignominie, c'est-à-dire d'humiliation. Et dans l'au-delà, il aura un plus dur châtiment encore. Donc il ne faut pas prendre juste ce qu'on aime puis laisser le reste. Et puis le cheikh, il dit, pour terminer ce point, il dit, هناك أمور لا بد منها وهي الأركان وهناك أمور مكملة لها تكميلا واجبا وتكميلا مستحبا والتكميل الواجب من تركه يأثم والتكميل المستحب من تركه يأثم ولكن في ترك التكميل الواجب والمستحب نقص في الإسلام بحسب ما ترك من الطاعات وما يرتكب من المحرمات والمكروهات فينقص إسلامه بذلك وكلما أكثر من الطاعات وتجنب من المحرمات كمل إسلامه. Donc le cheikh il dit, il y a des choses qui sont nécessaires et ce sont les piliers de l'islam. Et il y a d'autres choses qui sont des qui viennent compléter et parfaire ces piliers-là, qui sont soit obligatoires, qui sont des compléments obligatoires ou des compléments recommandés. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les compléments obligatoires, celui qui les abandonne, il fait un péché. En ce qui concerne les compléments qui sont recommandés, celui qui les abandonne, lui, il ne fait pas, c'est pas un péché de l'abandonner. Sauf que, c'est sûr que celui qui abandonne les compléments obligatoires ou, et les compléments recommandés, ben, ça diminue son islam. Ou ça vient, affaiblir ou diminuer son islam. Bihasabi matarak. Selon ce qu'il a abandonné des obéissances et des obligations, et selon ce qu'il a accompli de péchés et d'interdictions ou de choses qui sont détestables. Donc son islam diminue et son islam est défaillant par rapport à ce qu'il ne fait pas d'obligations ou de choses recommandées, et ce qu'il fait de péchés et de choses interdites ou détestables. Et plus qu'une personne augmente dans les adorations et dans l'obéissance, et plus qu'il s'éloigne des interdictions, et bien plus son islam est de plus en plus parfait. Donc, ça vient terminer le cours numéro 4 dans le livre de Rusul min al-Qur'an al-Karim, c'est-à-dire la section où le cheikh a expliqué l'islam en général. Donc on a expliqué ça, et le prochain cours, Inch'Allah, on va commencer le cours numéro 5 dans le livre de Rusul min al-Qur'an, qui parle de la foi dans le Qur'an, Al-Iman fil Qur'an al-Karim. Donc là il va expliquer en détail tout ce qui a rapport avec la foi, et qu'est-ce que c'est la foi, et les gens qui ont dévié dans la foi, et toutes ces choses-là. Donc, Inch'Allah, on se retrouve alors samedi prochain à la même heure. Pour vous, c'est 15h en France, 9h à Montréal. Et on continue notre dars, Inch'Allah. Probablement, ça se pourrait bien que ce soit le Ramadan qui commence. Donc, il n'y a pas de problème. On pourra continuer quand même, puisque ça va être des hasanat, Inch'Allah, qui vont s'augmenter pour nous. Bi'idhnillah. Donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الى اللقاء القادم ان شاء الله السلام عليكم